c'est minable, minable, minable. Mais je rentrerai pas ce soir là, non, nina, nina, nina. Parce que t'as encore pris avec la cocaïne, ina, ina. Garde un parquet pour mettre, bâtard, passe la pommade. Vaillant, rentre la fumette. Parle d'Aaron en pleurs, deviens méchant, t'es mieux. Gazé toute la semaine, gazé dans la cellule. Petit frère part à l'école, week-end viscère tous les camés. Terrain cramé à l'éthanol, claquage de porte faut détaler. Porté sur la parole, j'ai les bons comptes, les bons amis. Porté sur l'apparence, même en promenade pour des années. Nina, nina, nina, ouais. T'es pas comme ces billets, ouais. J'crois que j'ai raté le village, ouais. J'pense à toi quand j'piave, ouais. J'le fais jamais bien, non. J'te fais toujours mal. J'ferai toujours la même merde, ouais. J'serai toujours là. Nina, nina, nina, ouais.